Premier regard croisé en soirée privée. Si tu savais ce que j'avais éprouvé quand je l'ai vu débarquer, je pensais qu'elle m'avait pas remarqué. À cette époque-là, j'étais encore maqué, pas prêt à tout plaquer. Je faisais le maqué, toujours bien entouré, c'était ma tournée. Moi et mes sauces, on faisait augmenter les degrés. Mais malgré tout ça, au début, elle m'intimidait. Mais au fond, j'étais persuadé qu'elle me kiffait. Mon image de player la faisait flipper, je le sais. Un bandit avec une lady, c'est incompatible. Les opposés s'attirent, c'est incompréhensible. Pourtant elle semblait inaccessible. Avec les ragots sur mon dos, je n'étais plus crédible. Et tout est possible, et c'est dans l'imprévisible qu'elle a fait le premier pas. Je n'y croyais pas, fils, mais elle était bien là. Oublions un instant nos différences, défions ensemble les lois du silence, et partageons tous nos désirs simplement. Car rien n'est plus fort. Désormais commencer, on se parlait comme si ça faisait depuis 10 ans qu'on se connaissait. Je n'étais pas pressé, donc pas de baratin. On s'était rencontré à peine, qu'elle me parle déjà des lendemains. Pour une fois, je n'étais pas insensible à ses propos. Attends mec, je t'explique le topo. Un gars test comme moi avec une fille, c'est une famille aisée. Je savais bien que tout ça allait faire jaser. Mais tant pis si j'attisais la jalousie en compagnie de cette belle lady. Je m'en foutais pas mal des ondes. On a vu la vie devant nous comme c'était parti. J'étais vraiment sous le charme, prêt à déposer les armes quand soudain c'est parti en couille. Un méga s'est défié des embrouilles, et vite fait la piste s'est transformée en ring. Et on a fini le conflit avec nos ennemis sur le parking. Oublions un instant nos différences, défions ensemble les lois du silence, et partageons tous nos désirs simplement. Car rien n'est plus fort. Bien que toute cette histoire l'a traumatisé. Des fois je l'ai recroisé avec son gars quand j'avais ma go et vice versa. Peut-être qu'un jour on se retrouvera malgré ma position et toutes les suppositions. Je suis prêt à succomber à ses propositions. Et sans hésitation, à une seule condition, faire extraction de toutes nos oppositions. Car rien n'est plus fort.